Oui, alors Anissa Ducasse était présente lors de l'arrestation. Oui, donc en fait ce qui s'est passé, c'est que les personnes sont arrivées, une vingtaine de personnes. Ils ont gueulé « Ken Nazi, Ken Grenzen, Ken Deportasi » en plein milieu du meeting. La sécurité est arrivée, Securitas, est arrivée pour essayer de les attraper. Ils n'ont pas réussi. La police est arrivée et les a jetés mais dehors, mais pire qu'un chien. Donc ils ont été extrêmement violents et après ils les ont laissés dehors. Entouré de police avec qui ça se passait pas spécialement bien parce que parfois il y avait un petit coup qui dérapait ou un petit coup des flics, voilà, un petit coup voilà, un coup bien sec. Et après ils les ont amenés ici sans vouloir nous dire dans quel commissariat ils allaient, donc on a réussi à trouver et jusqu'à présent on leur a dit qu'ils allaient rester 12 heures, mais on sait pas plus. On ne sait pas si c'est administratif, judiciaire ou quoi. Ce qu'on nous a dit, c'était administratif, mais maintenant que ça passe en judiciaire ou que ça passe pas en judiciaire, on ne sait pas. Tu dis que la police a été très violente, mais est-ce que tu peux décrire un petit peu dans les actes, déjà au moment du meeting, ils les ont passé s'attacher entre eux et ils les ont pris, mais d'une violence horrible. Il les poussait, mais il faisait 1 mètre à 2 mètres de bond en arrière, quoi. Donc c'était quand même assez violent dans des gestes, paroles, un peu tout. Et comment ça réagissait dans le meeting même à ce moment-là? Dans le meeting, assez étonné. Les gens étaient étonnés, surpris. Certaines personnes comprenaient, d'autres non. Mais ça a assez bien réagi. Comment expliquer? Les gens ont tous regardé, ont tous fait attention à ce qui s'est passé. Okay. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a apporté un soutien quelconque ou bien Il y a eu une personne chez qui j'ai été pour avoir un témoignage au cas où c'est judiciaire, qui a été totalement choquée par l'arrestation, à qui j'ai parlé, qui a été totalement choquée par l'arrestation. Donc, le meeting a repris normalement après ou Après, totalement normalement. Le moment où ils sont rentrés, la femme elle a arrêté de parler, ils ont mis de la musique à la place pour qu'on essaye de ne pas entendre les personnes. C'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. C'était un meeting de quoi Meeting des européennes libérales démocrates. Donc c'est le début de la campagne électorale européenne pour les libéraux. Ok, moi je te remercie. De rien.